L'invisible par Pierre de la Battue. Chapitre 1er. Une rencontre. J'ai horreur d'aborder une femme dans la rue, fût-ce pour lui venir en aide. J'admire, sans vouloir les imiter, ceux qui se précipitent vers une passante pour lui faire remarquer que son jupon dépasse ou que son corsage est dégrafé. Ce fut donc pour moi un acte peu conforme à mes habitudes de timide ou d'égoïste, selon qu'il vous plaira, que cette offre faite à une jeune femme totalement inconnue dans la cour de la gare de l'Est de lui porter son sac volumineux. Quand je la remarquais sur le bord du trottoir, elle venait sans doute de descendre d'un taxi et attendait la bonne volonté d'un porteur. Mais ceux-ci étaient accaparés par une foule de voyageurs plus lestes et plus débrouillards. Devant l'inutilité de son attente, elle prit le parti de saisir elle-même sa balise. Elle était si frêle, tellement penchée d'un côté sous le poids de son fardeau, que sa taille mince semblait devoir se casser. Je n'avais qu'un léger sac à main. Je lui proposai mon aide. Non, vraiment, je ne pouvais faire autrement. Elle accepta d'un signe de tête. Je fus aussitôt récompensé de mon obligeance. Un homme glabre, qui se tenait à peu de distance, vêtu d'un costume bleu et fumant une courte pipe, m'adressa un long sourire, muet mais ironique. Il était beaucoup plus vigoureux que moi. Je ne l'aurais pas remarqué, si, se décidant brusquement, il n'avait pénétré dans la gare sur nos talons. J'adressai quelques mots à la jeune femme. Elle prenait l'express de 9h05 pour Mézières-Charleville, moi aussi. Je lui appris que nous allions faire le même trajet. Elle me regarda un instant avec une expression singulière d'angoisse. Est-ce possible? Peut-être craignait-elle d'avoir en moi un compagnon gênant. Je comprends ce sentiment et l'éprouve avec force. Je ressens une vive antipathie pour les inconnus qui s'ingénient à vous imposer leur présence alors qu'on voudrait être seul, et leur conversation alors qu'on désire méditer à l'aise. C'est en voyage, justement, que j'appréhende surtout les rencontres inopportunes. Le wagon est un lieu idéal pour la rêverie. Le roulement du train berce certains voyageurs et les endort. Ce sont des esprits grossiers, n'en doutez pas. Il excite, au contraire, le fonctionnement des cerveaux bien conditionnés. Il invite aux méditations philosophiques. Ne retrouve-t-on pas tout l'essentiel de l'existence dans un voyage, si court soit-il? La mélancolie du départ. Le sentiment de passer à travers les paysages, comme on passe dans la vie, sans en pouvoir rien retenir. On aperçoit un coin qui vous plaît, une maison paisible à l'ombre des platanes. C'est là qu'on voudrait demeurer. Et elle a déjà disparu. Une jeune paysanne salue le train d'un geste de la main. Elle est une silhouette gracieuse dressée sur le ciel de la plaine. Une seconde, elle emplit le cadre de la portière. Et déjà, elle n'est plus. On ne la verra plus jamais. Une seconde, mon Dieu. J'ai dans mon passé des amours qui me paraissent maintenant n'avoir pas duré aussi longtemps. Et l'on va. Ah, la sensation d'être emporté par le train comme par le torrent universel, sans pouvoir se retourner. Comme nous le sommes par le vieux globe qui poursuit sa route céleste à plus de 80 000 km/h. Vers quel but? Un cimetière file devant vous pour vous donner la réponse. Je fais souvent mon examen de conscience dans un wagon. Ces idées, je les exprime brièvement à ma compagne. Qu'elle ne redoute pas un compagnon bavard. Une fois parti, je serai muet, le nez collé à la vitre. Elle n'a pas compris, elle me répond pensivement. Oui, le train vit réellement d'une vie propre. Vous ne pensez pas si bien dire. Je la regarde avec attention. Elle est déjà replongée dans ses pensées. Nous étions sur le quai. Elle put enfin se procurer un porteur et remit sa valise entre ses mains. Je m'apprêtais à prendre congé. « Nous avons le temps, » dit-elle, « un quart d'heure encore. » En ma compagnie, elle se dirigea vers la marchande de journaux. Elle acheta Paris Midi. « C'est pour lire, » dit-elle en le dépliant, « les dernières nouvelles sur le mystère de l'usine Alstine. Vous savez, cette usine des Ardennes qui... »« Je sais, » interrompis-je. « Je suis moi-même envoyé par mon journal afin d'enquêter sur les lieux et tâcher d'éclaircir pour les lecteurs de l'Étoile du Matin cette ténébreuse affaire. » « Ah, vous êtes reporter ?»« Oui, jusqu'à nouvel ordre. »« La plupart de vos confrères ont dénaturé les faits d'une façon odieuse. »« Savez-vous quelque chose ?»« Je connais fort bien les usines Alstine. »« Mais non, je ne sais rien. » Elle se mordit les lèvres exactement comme une personne qui craint d'avoir trop parlé. Elle ajouta. « Je veux dire qu'aucun journal ne rapporte les faits d'une façon semblable. »« Les publications humoristiques sont les plus sincères. Elles ne donnent pas leurs caricatures pour des portraits. Je ne sais pas, dis-je. En effet, je n'en achète jamais en voyage pour les raisons énoncées plus haut. Vous vous rendez donc à Monzy ? Oui, mademoiselle, je quitte l'express à Mézières. Nous nous dirigeâmes vers le quai de départ. À ce moment, l'homme au costume bleu et à la courte pipe, celui qui avait paru se moquer de moi tout à l'heure dans la cour, nous croisa. Puis il se retourna et, avec une indifférence feinte, bien mal jouée, nous emboîta le pas. « Vous connaissez ce monsieur ?»« Non, il me suit, je crois, avec obstination. »« Ces hommes, dis-je, tous les mêmes. » Elle ne releva pas ma phrase. Elle s'arrêta brusquement. « Vous persistez donc à vouloir prendre le train de 9h05 ?»« Certainement, dis-je en riant. « Le même train que moi ?»« Mon Dieu, madame ou mademoiselle, le hasard seul est responsable, qui nous fait suivre la même route à la même heure. Je ne puis pourtant pas monter dans l'omnibus de Noisy-le-Sec quand le devoir m'appelle à Monzy. » « C'est dans votre intérêt ?» commença-t-elle. Elle n'acheva pas sa phrase. Elle ajouta à mi-voix, se parlant à elle-même. « Il se peut qu'une partie du train soit épargnée. » Nous avions chacun notre billet et notre place gardée. Par une fatalité singulière, nos deux places étaient retenues dans le même compartiment, deux coins, côté fenêtre, en face l'un de l'autre. Cette constatation faite, les yeux verts de ma compagne se levèrent sur moi avec une sorte de commisération qui me fut désagréable. « Je regrette, dis-je un peu sèchement, de vous infliger ma compagnie jusqu'au bout. » Elle me répondit avec quelque hésitation. « C'est moi qui vous dois des excuses. D'abord, je ne vous ai pas suffisamment remercié de l'aide que vous m'avez apportée tout à l'heure. En témoignage de ma gratitude, je vais vous donner un conseil. Lequel ? Si vous m'en croyez, renoncez à ce voyage ou du moins, prenez le train suivant. Ce ne sera qu'un petit retard. » Je l'interrompis assez stupéfait. « Voici une singulière façon de se débarrasser d'un compagnon de route, qui pourtant, je vous le promets, ne vous gênera guère. Vous ne me comprenez pas. Je n'ai eu qu'à me louer de votre obligeance, mais il y va de votre vie. » Elle me parlait d'une petite voix douce, un peu lasse, et paraissait convaincue. Je me calmais. « Expliquez-moi, voyons. » « De ma vie ? Que diable, cela mérite des éclaircissements. Ce train m'a déraillé. Allons donc, vous allez au-devant d'une catastrophe certaine. » Je ne peux m'empêcher de sourire. Comment le savez-vous ? Avez-vous remarqué quelques défectuosités dans le matériel de la compagnie ? Le mécanicien vous a-t-il paru en état d'ébriété ? Il fallait aviser le chef de gare. Si ce n'était que cela. Au même instant, le départ fut sifflé. Les portières avaient été fermées. Elle rouvrit vivement celle de notre compartiment. Descendez, descendez, dit-elle. Et vous ? Oh, moi, je ne puis échapper à mon destin. J'eus un petit rire silencieux. Le train s'ébranlait doucement. Elle me prit la main gauche pour me forcer à me lever. Je résistais. De la main droite, je rattrapai la portière et la fermai avec violence. Personne, dis-je, ne peut échapper à son destin. Oh mon Dieu, vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas que ce train n'arrivera jamais à Mézières ? Elle semblait sérieusement contrariée. Elle me lâcha pourtant. Le train avait pris de la vitesse. Vous ne le croyez pas non plus ? Parce que je l'ai pris, n'est-ce pas ? Justement. Oh moi ! Fit-elle avec lassitude. Je suis condamné. Comme je m'enfonçais dans mon coin, j'aperçus l'homme au complet bleu qui fumait sa courte pipe dans le couloir.